galère aussi. De journée tu me diras oui je galère. Je galère aussi. Galère aussi. T'es là, super. Galère. Ça fait tellement longtemps, putain, ça fait trop plaisir. c'est le four. Quoi qu'on en dise, événement n'auront plus impromptu. Et tout d'un coup, je me souviens. Comme dans la cuvette, ça doit cuire de tarte comme la grenouille de coups. Et tout d'un coup, je me souviens trop tard des tas de choses au cul des coups d'un coup. Des tas de choses, je me condensé souviens coup. Tout d'un coup, je me souviens condensé. Sur des airs. Tout d'un coup, des tas de choses me reviennent. Je me souviens, tout d'un coup, des tas de choses. Aujourd'hui, tout d'un coup, des tas de choses me reviennent. Vas-y, raconte. De choses dans le four, quelque chose qui tout d'un coup d'état en macronie, tu vois, tout d'un coup d'état des choses me reviennent. Le déni des mots, tout d'un coup d'état de choses me reviennent. Rêve olympique, rêve olympique. Démocratie. Et on t'aimant abîmé. Et on t'aimant euthanasie. Et on t'aimant endormi ostentatoire. Et on t'aimant anesthésie. Et on t'aimant démocratie. Et on t'aimant le nouveau déni et la front populaire. Le nouveau déni des tas de choses tout d'un coup d'état. Le nouveau affront, le nouvel âme. Des tas de choses. Et on t'aimant, et on t'aimant sur le confinement. Et on t'aimant un nouveau démocratie ostentatoire au service du public pour le bien public. Service public. Hello, my friend. What Hello, my son. What a pleasure. What a pleasure. Oh, what a pleasure to be with you in the sister. Comme Alice, tombée. Comme un poème. Urbanistique. Comme une occupation de territoire. Fragmenté. Comme mon réseau. t'obsède, t'emmène comme la puissance de la vague quand tu sais monter dessus, comme la beauté du monde au premier jour de la vie, de l'amour. Oh yeah, dit l'eau. Love, love, love, love, love. Love, love. Able to love again. Able to make sound and share it. Able to sing again with my friend. Able to sing again. About to listen. About to share with tea lover and lady. On our ninja session, summer 2024. Action. On a monté vidéo dans le volant. Renvoyer le mensonge dans les corps, croire à ce que nous sentons dans le présent. Le present storm. We make